Chapitre 17e. À la vue de l'archiduc, les aides de camp s'écartèrent respectueusement et M. Pascal, qui semblait hors de lui-même, s'écria « Mordieu, monseigneur, on accueille singulièrement les gens ici !» Le prince, se souvenant alors seulement du rendez-vous qu'il avait donné à M. Pascal et craignant pour sa propre dignité quelque nouvelle incartade de ce brutal personnage, lui dit en lui faisant signe de le suivre « Venez, monsieur, venez !» Et aux yeux des aides de camp silencieux, la porte se referma sur le prince et sur le financier. « Maintenant, monsieur, reprit l'archiduc blême de colère et se contenant à peine, me direz-vous la cause d'un pareil scandale ? Comment, monseigneur, vous me donnez audience pour 3 heures ? Je suis ponctuel. Un quart d'heure se passe, personne. Une demi-heure, personne. Ma foi, je perds patience et je prie un de vos officiers de venir vous rappeler que je vous attends. On me répond que vous êtes en audience. Je me mets à ronger mon frein, mais enfin, au bout d'une autre demi-heure, je déclare formellement à ces messieurs que s'ils ne veulent pas venir vous avertir, je suis décidé à y aller moi-même. Ceci, monsieur, est d'une audace. Comment ? D'une audace ? Ah ça, monseigneur, est-ce moi qui ai besoin de vous ou vous qui avez besoin de moi ? Monsieur Pascal, est-ce moi qui suis venu à vous, monseigneur ? Est-ce moi qui vous ai demandé un service d'argent ? Mais, monsieur, mais, monseigneur, lorsque je consens à me déranger de mes affaires pour venir attendre dans votre antichambre, ce que je ne fais pour personne, il me semble que vous ne devez pas me laisser donner au diable pendant 1 heure, et justement à l'heure la plus intéressante de la bourse que j'aurais manquée aujourd'hui. Grâce à vous, monseigneur, désagrément qui ne m'empêchera pas de trouver fort étrange que vos aides de camp me repoussent lorsque, sur le refus de m'annoncer, je prends le parti de m'annoncer moi-même. La discrétion, les plus simples convenances, vous commandaient d'attendre la fin de l'audience que je donnais, monsieur. C'est possible, monseigneur, mais malheureusement, ma juste impatience m'a commandé tout le contraire de la discrétion, et franchement, je croyais mériter un autre accueil en venant vous parler d'un service que vous m'aviez supplié de vous rendre. Dans le premier moment de son dépit, de sa colère, encore exaltée par les grossièretés de M. Pascal, le prince avait oublié que la marquise de Miranda pouvait tout entendre de la pièce voisine où elle se trouvait. Ainsi, écrasé de honte et sentant alors le besoin d'apaiser la rude et fâcheuse humeur du personnage, qui ne s'était déjà que trop manifesté, le prince, se contraignant de toutes ses forces pour paraître calme, tâcha d'emmener M. Pascal, tout en causant avec lui, du côté de l'embrasure d'une des fenêtres, afin d'empêcher Madeleine d'entendre la suite de cet entretien. « Vous savez, monsieur Pascal, que j'ai toujours été très tolérant pour les brusqueries de votre caractère. Il en sera cette fois encore ainsi. »« Vous êtes en vérité trop bon, monseigneur, » répondit Pascal avec ironie. « Mais c'est que, voyez-vous, chacun a souvent ses petites contrariétés et en ce moment j'en ai de grandes, ce qui fait que je ne possède pas tout à fait la mansuétude d'un agneau. » « Cette excuse, ou plutôt cette explication, me suffit et m'explique tout, monsieur Pascal. » répondit le prince, dominé par le besoin qu'il avait des services du financier. « La contrariété, je le sais, aigrit souvent les caractères les plus faciles. Ne parlons donc plus du passé. Vous avez demandé d'avancer de 2 jours le rendez-vous que nous avions pris pour terminer notre affaire. J'espère que vous m'apportez une réponse satisfaisante. » « Je vous apporte un oui bien complet, monseigneur, » répondit notre homme en s'adoucissant. Il tira un portefeuille de sa poche. De plus, pour corroborer ce oui, voici un bon sur la Banque de France pour toucher le 1/10 de la somme et cet engagement de moi pour le restant de l'emprunt. « Ah, mon cher Pascal, » s'écria le prince radieux, « vous êtes un homme d'or. »« Un homme d'or, c'est le mot, monseigneur. Voilà sans doute la cause de votre penchant pour moi. » Le prince ne releva pas ce sarcasme. Tout heureux de cette journée qui semblait combler ses vœux les plus divers, et très impatient de congédier le financier afin d'aller retrouver Madeleine, il reprit « Puisque tout est convenu, mon cher monsieur Pascal, échangeons seulement nos signatures et demain matin ou après, à votre heure, nous nous entendrons pour régulariser complètement l'affaire. » « Je comprends, monseigneur. Une fois l'argent et la signature en poche, le plus vif besoin de votre cœur est de vous débarrasser au plus tôt de votre très humble serviteur Pascal. » « Et demain, vous l'adresserez à quelques subalternes chargés de vos pouvoirs et de régulariser l'affaire. Monsieur. Bon, monseigneur, est-ce que ce n'est pas la marche naturelle des choses? Avant le prêt, on est un bon génie, un demi et un trois quarts de Dieu. Une fois l'argent prêté, on est un juif, un arabe. Je connais ceci, c'est le revers de la médaille. Ne vous hâtez donc pas tant, monseigneur, de retourner ladite médaille. Enfin, monsieur, expliquez-vous. Tout de suite, monseigneur, car je suis pressé. L'argent est là, ma signature est là, ajouta-t-il en frappant sur le portefeuille. L'affaire est conclue à une condition. Encore des conditions? Chacun, monseigneur, fait ses petites affaires comme il les entend. Ma condition d'ailleurs est bien simple. Voyons, monsieur, terminons. Hier, je vous ai fait remarquer dans le jardin où il se promenait un beau jeune homme blond qui demeure ici, m'avez-vous dit. Sans doute, c'est le comte Franz, mon filleul. On ne peut certes voir un plus joli garçon, je vous l'ai dit. Or, donc, étant le parrain de ce joli garçon, vous devez avoir, n'est-ce pas, quelque influence sur lui. Où voulez-vous en venir, monsieur? Monseigneur, dans l'intérêt de votre cher filleul, je vous dirai en confidence que je crois l'air de Paris mauvais pour lui. Comment? Oui, et vous feriez sagement de le renvoyer en Allemagne. Sa santé gagnerait beaucoup, monseigneur, beaucoup, beaucoup. Est-ce une plaisanterie, monsieur? Cela est si sérieux, monseigneur, que l'unique condition que je mette à la conclusion de notre affaire est celle-ci. Vous ferez partir votre filleul pour l'Allemagne dans les 24 heures au plus tard. En vérité, monsieur, je ne puis revenir de ma surprise. Quel intérêt avez-vous au départ de Franz? C'est inexplicable. Je vais m'expliquer, monseigneur. Et pour vous faire bien comprendre l'intérêt que j'ai à ce départ, il faut que je vous fasse une confidence. Cela me permettra de mieux préciser encore ce que j'attends de vous. Or donc, monseigneur, tel que vous me voyez, je suis amoureux fou. Et mon Dieu, oui, amoureux fou. Ça vous paraît drôle, à moi aussi. Mais enfin, cela est. Je suis donc amoureux fou d'une jeune fille appelée Mademoiselle Antonine Hubert, votre voisine. Vous, monsieur? S'écria le prince abasourdi. Vous? Certainement, moi, Pascal. Et pourquoi donc pas, monseigneur? L'amour est de tout âge, dit la chanson. Seulement, comme il est aussi de l'âge de votre filleul, monsieur Franz, il s'est mis le plus innocemment du monde à aimer mademoiselle Antonine. Celle-ci, non moins innocemment, a payé de retour ce joli garçon, ce qui me place, vous le voyez, dans une position fort désobligeante. Heureusement, de cette position, vous pouvez parfaitement m'aider à sortir, monseigneur. Moi? Oui, monseigneur. Voici comme. Faites partir monsieur Franz à l'instant, garantissez-moi, et c'est facile, qu'il ne remettra pas les pieds en France avant plusieurs années, le reste me regarde. Mais vous n'y songez pas, monsieur, si cette jeune personne aime Franz. Le reste me regarde, vous dis-je, monseigneur. Le président Hubert n'a pas 2 jours à vivre, mes batteries sont prêtes. La petite sera forcée d'aller vivre avec une vieille parente, horriblement avaricieuse et cupide. Une 100 000 francs me répondront de cette mégère, et une fois qu'elle tiendra la petite entre ses griffes, je jure Dieu qu'il faudra bien qu'Antonine devienne, bon gré mal gré, Madame Pascal. Et encore, il n'y aura pas besoin de la violenter. Allez, monseigneur, toutes les amourettes de 15 ans ne tiennent pas contre l'envie de devenir, je ne dirai pas Madame l'archiduchesse, mais Madame l'archimillionnaire. Maintenant, monseigneur, vous le voyez, j'ai franchement joué carte sur table. N'ayant aucun intérêt à agir autrement, il doit vous importer peu ou point que votre filleule épouse une petite fille qui n'a pas le sou. La condition que je vous pose est des plus faciles à remplir. Encore une fois, est-ce oui, est-ce non? Le prince était atterré. Bien moins des projets de Pascal et de son odieux cynisme que de la cruelle alternative où le plaçait la condition imposée par le financier. Ordonner le départ de Franz et s'opposer à son mariage avec Antonine, c'était perdre Madeleine. Refuser la condition posée par M. Pascal, c'était renoncer à un emprunt qui lui permettait d'accomplir des projets d'ambitieux agrandissement. Au milieu de cette lutte de 2 passions violentes, le prince, en vrai prince qu'il était, se souvint qu'il avait seulement engagé sa parole à Madeleine pour la grâce de l'exilé. Le tumulte causé par l'emportement de Pascal ayant interrompu le prince au moment où il allait aussi jurer à Madeleine de consentir au mariage de Franz. Malgré la facilité que lui laissait cet échappatoire, l'archiduc sentit surtout à ce moment combien déjà était puissante sur lui l'influence de la marquise, car, la veille, le matin même, il n'eut pas hésité un instant à sacrifier Franz à son ambition. L'hésitation et la perplexité du prince frappaient Pascal d'une surprise croissante. Il n'avait pas cru que sa demande au sujet de Franz pût faire seulement question. Néanmoins, pour peser sur la détermination du prince en lui remettant sous les yeux les conséquences de son refus, il rompit le premier silence et dit « En vérité, monseigneur, votre hésitation n'est pas concevable. Comment ? Par condescendance ? Par faiblesse pour une amourette d'écolier, vous renonceriez à la certitude d'acquérir une couronne ? Car après tout, le duché dont on vous offre la cession est souverain et indépendant. Cette cession, mon emprunt seul, peut vous mettre à même de l'accepter, ce qui, soit dit en passant, n'est pas peu flatteur pour le bonhomme Pascal. Car enfin, de par l'empire de son petit boursicot, il peut faire ou ne pas faire des souverains. Il peut ou permettre ou empêcher ce joli commerce où se vendent, se revendent, se cèdent et se retrocèdent ces jobards de peuple, ni plus ni moins que si c'est un parc de bœufs ou de moutons. Mais cela ne me regarde point. Je suis peu politique, mais vous qui l'êtes, monseigneur, je ne comprends pas votre hésitation. Encore une fois, est-ce oui ou est-ce non ? C'est non, dit Madeleine en sortant soudain de la pièce voisine, d'où elle avait entendu la conversation précédente malgré les précautions du prince.